faut pas croire tout ce qui se dit à la radio. Faut pas croire, parce que c'est de la radio, que c'est vrai. C'est bêtement de la radio, quoi. Micro ouvert. Alors, on garde son sang-froid. Aïe, pardon, je vous ai écrasé le gros orteil, je suis des brigades d'intervention. Colette Mani, répression, exil, 1972. Vous êtes qu'un passant, mais maintenant pour les manifestants, les grenades, on les tire à bout portant. On a supprimé les pavés, on a bitumé la chaussée pour faciliter la circulation. Les trottoirs, c'est pour nous, la rue, elle est à nous. Je m'ennuie. Vos papiers, si vous avez les cheveux longs ou un faciès d'une drôle d'espèce, mais si les cheveux vous les portez courts, on vous mettra pas dans les fours. Douce majorité silencieuse, pas d'opinion, pas de délit d'opinion, pas de répression, pas de répression, pas de répression. À votre avis, pourquoi on met pas Jean-Paul Sartre en prison? C'est pas un homme convenable à refuser le prix Nobel, respecte pas les institutions. Et qu'est-ce qui vous sur un tonneau chez Renault? Chacun son poste, nous c'est les trottoirs. Je m'ennuie. Pourquoi je chante? Parce que j'ai besoin. J'ai envie d'ouvrir ma gueule et de beugler. Alors, pour ça, il faut quand même dire quelque chose. Hein? Alors, je fais état de choses dont j'ai été témoin ou qui me touchent. Oui, mais vous racontez certaines choses. Vous êtes quand même dans un certain camp. Vous avez une certaine façon de voir le monde. Vous voyez la justice plutôt que le bonheur. Ben, le bonheur, j'en vois pas des tonnes quelque part. Hein? À part que c'est du... Je ne sais pas, les choses... C'est difficile de toute façon de parler du bonheur. Mais il y en a peu quand même. Et enfin, je trouve que c'est quand même difficile d'être heureux dans ce monde. Hein. C'est oui, difficile. Enfin, vous êtes une chanteuse qui dénonce, au fond. Dénonce sans cesse... J'expose. Je reconnais que ma manière de chanter est agressive. Mais j'expose, en fait. Mais qu'est-ce qui vous blesse le plus dans le monde? La difficulté qu'on a à se parler les uns les autres. C'est pas politique, ça. Ben, moi, j'ai jamais prétendu être une chanteuse révolutionnaire ou... On me colle des étiquettes, j'y peux rien. Comme je vous dis, j'expose certaines choses. Flac ! Coup de grisou chez les mineurs. Ils sont en danger. Arakiririkira, arakiririkira, arakiririkira le dernier. Eden, Eden, Eden. Ici on est libre, on n'est pas chez les colonels. On peut encore avoir un parterre de fleurs rouges devant sa maison, ou si flatter n'importe quelle connerie de la télévision. On nous mettra pas en prison, ah mais non, ah mais non. Mais attention, attention, attention. C'est vrai, faut faire le procès de la vitesse pour bombarder le Nord-Vietnam en deux temps, trois mouvements. Mais pour les secours au Pakistan, on a tout le temps, on a tout le temps, on a tout le temps. Suspicion, suspicion, suspicion. C'est présumé coupable le juge d'instruction, loi contre la drogue. On peut venir vous trouver de jour ou de nuit dans votre lit. C'est présumé coupable par le juge d'instruction. Mais attention, où va-t-on, où va-t-on, où va-t-on? Et si ça continue comme ça, un jour on verra paître les magistrats, les lycéens, cul à cul dans la rue. Répression. Suspicion, attention, où va-t-on, où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on, ira-t-on, ira-t-on, ira-t-on? Eden, Eden, Eden. société dans laquelle vous êtes, dans laquelle nous sommes, elle vous plaît pas. Elle me plaît pas, je la trouve pas ignoble, si vous voulez, en France. Bon, ben, puisque je peux quand même beugler. Pas dans les organismes officiels, pas dans les musicals traditionnels, mais quand même, par-ci par-là, dans des théâtres municipaux, j'arrive à gagner ma vie à peu près comme quand j'étais fonctionnaire. Dans un autre pays, je ne sais pas, en Espagne, je serais certainement en prison, en Grèce, je serais fusillé, en URSS, je serais peut-être en habitat psychiatrique, en Pologne, en Tchécoslovaquie, ça ne serait pas brillant non plus, je suppose. Alors c'est difficile d'être ce que vous êtes, de faire vos chroniques. Oui, c'est difficile, d'autant plus que je suis attaqué de tous les côtés. Avec la droite, c'est clair. Bon, c'est une salle communiste, en gros. Mais alors, le terme communiste, ça recouvre quantité de choses, à part le Parti communiste français. Alors là, vous avez tous les groupuscules, toutes les tendances. Alors, c'est là que je suis violemment attaqué. C'est pendant la ligne. Chacun détient une vérité, que moi je ne détiens pas, je n'en ai pas. Vous êtes attaqué à droite? Ah non, je ne suis pas attaqué à droite, je suis éliminé. Et à gauche? Sauf quelques bourgeois libéraux qui disent, bon, on l'engage quand même parce qu'elle a une belle voix, elle chante des conneries, mais enfin, on l'engage quand même. Mais à gauche, les critiques sont très, très virulentes. Alors au fond, vous êtes une chanteuse engagée, vous n'aimez pas ce mot, mais je le répète, une chanteuse engagée, mais très solitaire. Oui, effectivement. Je ne peux pas supporter, de moins en moins d'ailleurs, de moins en moins je peux supporter le langage politique. Est-ce que vous allez donc cesser, dans vos chansons, de parler de politique? Non, je pense pas, mais je vais me contenter de plus en plus, tenter en tout cas plutôt, tenter de faire un travail plus modeste. Je veux dire, de choses que j'ai vraiment vécues de près. Et, donnez-moi un exemple. Eh bien, l'exemple, c'est le travail que je suis en train de faire sur... que je tente de faire sur la grève de Peñarroya. C'est très important parce que c'est une grève d'émigrés. Bon, c'est eux qui... Alors là, je ne suis pas voyeuse, je ne suis pas au service du peuple, c'est pas vrai. C'est les contacts humains qui m'importent, ces émigrés ne me connaissaient pas, bien entendu. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Eh bien, je suis allé faire la fête avec eux. On a mangé le couscous, on a dansé, on a chanté. Et discuté. Et là, c'était pour vous un engagement politique? Non, mais non, mais non, c'est une relation humaine. Ils ont fermé la mine, je dois quitter le pays. J'y gagne bien ma vie. Je suis venu en France, je n'avais pas le choix. J'ai dû quitter tous mes amis. Je suis malheureux comme un chien, le travail est dur, j'en ai marre d'être en exil. Je perds le sommeil, la nuit me semble longue. Peut-être, frère, ne te reverrai-je jamais. Ma femme sage et mignonne, je te porterai sur mon dos. Même si la route est pleine d'épines, nous monterons un chameau, on se promènera le désert. Je veux manger du couscous, boire un verre de thé, manger du pain et du cumin. Je suis malheureux comme un chien, le travail est dur, j'en ai marre d'être en exil. Bonjour, c'est une nouvelle émission du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Vincenzo Vecchi, 21 ans après les faits, la contre-manif du G8 de Gênes, toujours poursuivie, toujours recherchée par l'Italie qui souhaite le faire emprisonné pour 12 ans pour avoir manifesté. 3 ans après son arrestation en France, on est dans le dernier chapitre où la cour de cassation à Paris va se prononcer le 11 octobre. Autour de la table, aujourd'hui pour le comité, on a Pascal, on a Jean-Luc et Olivier et moi-même Gaëlle. Et on a au téléphone Vincenzo. Bonjour Vincenzo. Bonjour. On replonge avec toi dans une drôle d'histoire. C'est vrai que nous, au tout début, on replonge en 2001, le contre G8 de Gênes. Est-ce que tu peux te replonger à ce moment-là et nous dire qu'est-ce qui a fait que tu es parti en manif? Pourquoi? Alors, on replonge. Alors pourquoi j'ai décidé d'aller en manifestation il y a 20 ans? J'ai décidé d'aller à manifestation comme on décide d'aller à n'importe quelle manifestation. Les motivations sont multiples. À mon avis, il faudrait plutôt faire un contexte situé dans l'histoire récente, dans un contexte international plus spécifique du pays où ça s'est déroulé la manifestation. Soit dans la fin des années 90 et début 2000, on voit la naissance d'une mouvance, d'un mouvement anti-globalisation, ce qu'en France on appelait altermondialiste, si je me souviens bien. C'était une mouvance plutôt hétéroclite avec plusieurs écoles de pensée, on va dire. Soit il y avait des partis, des gauches, des syndicats de base, des groupes pacifistes, des groupes plus radicaux, associations, etc., qui se développe sous une vision globale, disons, vision globale de l'anticapitalisme, ou le nom anti-globalisation. Et tout ça, une dizaine d'années après la chute du mur de Berlin. Et dans les spécifiques, en Italie, on voit ça, nous qu'on a décidé d'aller en manifestation, disons, on voit ça comme l'occasion de sortir des 20 ans des reflux, soit d'une époque de vie politique et sociale dans la veine d'un modèle occidental sur le modèle des Reagan et Thatcher. C'est-à-dire qu'après avoir effacé tout ce qu'on avait pu rêver dans les années 60 et 70 en Italie, l'atmosphère qui régnait, c'était celle d'un pays qui s'aligne sous la politique de la lutte au terrorisme international menée par les États-Unis. Et si on traduit ça en italien, ça donne lutte aux terroristes, soit la chasse aux opposantes. Et ce n'est pas un hasard qu'on appelait terroristes les partisans, par exemple, puis les militants d'extrême gauche. Et puis, en 2001, on essaie de monter un procès, les nôtres, contre une association avec finalité de terrorisme, on disait. Puis on changera des stratégies pour ressortir une vieille loi fasciste. Mais l'essence, c'est le même. En sachant que ces G8 de Gênes, c'était un terrain d'épreuve pour consolider ces stratégies de la terrorisme. Est-ce que j'ai répondu un peu à la question ou j'ai divagué? Oui, tu as complètement répondu. En tout cas, oui, pour moi. Oui, non, c'est bien que tu reposes ça dans le contexte de l'ultra-libéralisation du capitalisme aussi, par rapport aux années Thatcher et Reagan. Mais en fait, on va voir que on est dans la stricte continuité de ça aussi aujourd'hui, quoi, et de la forme de répression des mouvements sociaux, qui prend une nouvelle forme au travers de saccages et dévastations, et on pourra revenir dessus. Tout à fait. Vu que le son est bon, on va continuer à te poser des questions, puis on va réagir peut-être un tout petit peu plus tard dans l'émission, mais est-ce que tu peux donner l'atmosphère, en fait, dans cette manif, c'est comment? Parce qu'on a compris pourquoi, du coup, tu as rejoint je ne sais plus combien de milliers de personnes dans la rue, mais l'atmosphère, c'est comment? Je suis un peu pinailleux, peut-être, mais j'aime bien ramener tout à la contextualisation, sinon on parle un peu. L'atmosphère, si tu veux, c'est un peu l'atmosphère qu'on respirait, pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, c'était un peu l'atmosphère qu'on respirait dans ces années-là en Italie, dans les spécifiques, soit on est au début des années 90, au début des années 2000, et là il y a toute une série de lois antiterrorisme, disons, parce qu'il y a eu la chute des tours jumelles à New York et tout ça. C'était une période où au niveau international, on commençait à remettre tout en place, selon un certain point de vue. Non, mais justement, sur les tours, en effet, c'est un mois après, en fait, quasiment. Donc, en fait, la tension mondiale, elle est déjà présente. C'est-à-dire que cette menace, elle est déjà existante et les États et les grandes puissances de ce monde sont déjà sur le qui-vive, en fait, de cette attaque terroriste qui est en train de monter et qui va devenir réelle un mois après, quoi. Enfin, c'est ou ça. Quelques mois après. Et du coup, on se trouve dans un contexte un peu comme ça, où on sait que ce qui nous entoure, en fait, c'est un peu ce qui représente un peu ça, quoi. La fin des rêves des années 60, 70 en Italie, c'était un peu vivre un peu en période où on avait essayé de vivre une vingtaine d'années après, quoi. Du coup, on se trouve face à un dispositif policier exagéré qui traduit un peu cette façon de traiter un peu l'opposition, voilà, qui s'est traduit un peu dans une façon de traiter la manifestante juste arriver à la torture dans un contexte de stratégie de la terreur, disons. Et donc voilà, c'était un peu ressenti par tout le monde, mais c'était dit et c'était non dit, parce qu'on ne pouvait pas s'avouer forcément ça, parce qu'autrement il y aurait personne qui aurait bougé, quoi. Il y a Jean-Luc qui veut te poser une question. Oui, justement, est-ce que toi et puis tous les gens qui ont manifesté à Gênes, est-ce que avant la manifestation, quels sont les signes selon toi qui ont permis de pressentir qu'il y aurait une débâcle, que ce serait aussi violent et que ça dégénérerait? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs et comment vous aviez ressenti les choses? Parce qu'il y a des milliers de gens qui sont venus en chantant, en s'amusant, de toute l'Europe, du monde entier, le cœur léger, qui ne s'imaginaient pas deux secondes qu'ils allaient se retrouver devant de telles violences. Est-ce qu'il y avait un pressentiment? Voilà, est-ce que vous aviez des informations, des sensations qui vous permettent peut-être de savoir que ça aurait pu déborder de cette manière-là? En tout cas, tu vois, c'était pas vraiment des sensations à capter. Tu vois, c'était dit, c'était avoué, en tout cas, par la hiérarchie de la police, par le ministère de l'Intérieur, par le président de la République même. En tout cas, ils ne voulaient pas qu'on manifeste. Ils ne voulaient pas qu'on manifeste parce qu'on manifestait à Seattle, on manifestait à Prague, on manifestait en Suisse, on manifestait partout. C'était, comme je disais tout à l'heure, c'était une mouvance globale. Et comme on arrivait un peu au bout de ces... Parce qu'après, il faut se dire aussi que ces mouvements-là qu'on appelait anti-globalisation avaient ses limites. On ne va pas entrer dans les spécifiques de ça, mais on arrivait plutôt à la clôture d'une boucle et la date des Gênes a signé un peu la fin de ces mouvements-là. Je pense pas que c'était des complots. Je pense pas que une partie mauvaise de la police ait ordi un complot pour faire peur à quelques centaines de manifestantes. Je pense que c'est une façon de faire des États qui veulent pas ils veulent pas d'opposants. Puis que ça s'est été très très violente, y a pas que Gênes où ça a dérapé comme ça et je pense qu'il y en aura encore. C'est pas pour dépeindre un tableau noir, mais dès qu'il y a des grosses mouvances comme ça, il y aura toujours en face une grosse répression et voilà. Il y a Olivier maintenant. Oui, c'était pour rebondir sur ce que tu disais sur la répression qui a eu lieu à Gênes et que dire que c'était pas un complot. Non, on peut dire que ça a été pleinement planifié et orchestré. Ça, c'est pas un point de vue simplement de l'esprit. C'est qu'aujourd'hui, il y a des preuves de ça. Que malgré tout, il y a eu un procès des carabiniers en Italie. Là où on peut dire que le procès est inique et pas régulier, c'est qu'ils ont été graciés. Alors qu'il y a des preuves systématiques d'organisation et de planification d'une répression violente avec torture à la clé. Une caserne Bolzaneto qui a été spécifiquement aménagée pour pratiquer la torture. l'école Diaz, la mort de Carlo Giuliani, des matraques qui ont été falsifiées, quoi, modifiées pour taper plus dur, qui n'étaient pas réglementaires. J'en passe des meilleurs, des cocktails Molotov qui ont été placés par les carabiniers à l'école Diaz. Donc tout ça, ce n'est pas un complot, c'est une organisation. Et on verra par la suite que l'arsenal policier s'est suivi d'un arsenal juridique avec cette fameuse loi ressortie du code d'italien fasciste Rocco qui s'appelle saccage et dévastation. Oui, donc, je suis d'accord. Donc du coup, c'est vraiment une planification des répressions et une répression d'un mouvement social qu'on appelle donc anti-globalisation ou altermondialiste plutôt dans la version française, on va dire. Et que ça a été mis en œuvre de manière pensée par rapport à cet essor de ce mouvement-là aussi, quoi. Mm-hmm. Tout à fait, je suis d'accord. Tu ne vas pas pouvoir en placer une tout de suite. Il y a Pascal qui, du coup, ça l'a fait réagir. Oui, moi, je voulais savoir, est-ce que toi, Vincenzo Vecchi, avec d'autres, peut-être de ta connaissance, tu t'attendais à subir comme cela une poursuite, un jugement et une telle peine pour les faits qui se sont déroulés au cours de cette manifestation Non, bien sûr. On ne sort pas des maisons le matin disant, peut-être que je vais rentrer avec 12 ans de prison sur moi. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, il faut pas non plus se cacher que dès qu'on essaye de monter un peu plus haut de la voie, on sait où on peut tomber. Hein. Mmh. Évidemment. Après, c'est pas pour généraliser, mais personnellement, je me suis pris toujours la responsabilité de mes actes et ce que j'ai fait. Ça veut pas dire on va manifester et peut-être qu'on va rentrer avec 15 ans de prison à faire. Ça, c'est sûr. Mmh. On s'attend pas à ça chaque matin, quoi. Ouais, mais du coup, je trouve que c'est important de le marquer parce que il y a la disproportion, donc c'est vraiment une façon de pouvoir marquer de la terreur, de la violence d'État et de faire peur aux gens pour qu'ils arrêtent de manifester, quoi. Il y a un seuil qui est monté en puissance, quoi, en grade, qui s'est élevé pour vraiment tuer le mouvement social. Tout à fait. Quoi. Mais quand je parle des stratégies de la terreur, je parle de ça. Hein. Oui, oui, c'est de terroriser les gens. Oui, oui. On ne parle pas des manifestants, hein. on parle des gens. Parce qu'après, là, c'est un prétexte. C'est une manif qui s'est déroulée comme ça. On se renforce pour donner l'exemple. Mais une fois qu'on sort des appareils comme ça, c'est sorti. On sait qu'un État, il peut faire ça. Donc, ce n'est pas dit qu'il l'ait fait, mais il peut faire ça. Donc, il terrorise. Oui, moi je pense que c'est vraiment une vraie force de dissuasion hein, d'exposer les gens à des peines complètement d'ampleur criminelle alors qu'il ne s'agit que de faits matériels de dégradation. Et puis également, je pense que les gens ne s'attendent pas à subir ce genre de poursuites et de jugements. Et on voit très bien qu'effectivement, c'est pour décourager les luttes sociales, les luttes environnementales et pas seulement celles de Gênes, évidemment, toutes celles qui pourraient se dessiner dans l'avenir, dans un rayon européen. C'est ça. Justement, si on parle du procès, comment ça s'est passé ? C'est-à-dire, toi, nous, on crie à l'injustice, mais est-ce que tu peux nous renommer, toi, tu as fait partie des 10 de Gênes, c'est quoi votre accès au droit ? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on vous reproche ? Comment s'active cette loi dévastation et pillage et quelle marge de manœuvre en termes de vos défenses de droit ? Vous y avez accès ? Vous n'y avez pas accès ? Moi, je pense que, comme toujours, ceux qui payent en premier plus cher, ce sont ceux qui sont les plus exposés, disons. Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, ce qu'on appelle les radicaux. Ça sert toujours de prétexte pour couper l'herbe sous les pieds, disons, de tout le monde. C'est un scénario usé, mais apparemment, ça marche toujours. On a du mal à se défendre devant tout le monde avant qu'on entende encore un tribunal, quoi. Non, mais j'ai blague. Disons que les avocats, ils ont dû faire face à une façon opérationnelle, disons que c'était jamais vu avant. Cette loi du code fasciste est très bien conçue. J'explique pas encore une fois c'est quoi, parce que je pense que tout le monde là sur le plateau a bien compris c'est quoi. Ce qu'il faut comprendre bien, par contre, c'est qu'un dispositif qui a été conçu dans une époque totalitaire, c'est un instrument légal qui concerne globalement la société toute. On s'en fiche un peu des manifestants. Ce qui fait ces lois, c'est un système de contrôle sur la justice, en partant des accusés, mais aussi pour mettre au pas les juges et les avocats. On met au pas les avocats dans le sens que les avocats, ils sont, je ne veux pas dire totalement démunis. Ils connaissent un peu la façon de faire des législateurs et tout, mais là, il n'y a vraiment pas moyen de se défendre. Et quand je parle des juges aussi, c'est parce que les juges, ils ont un rôle là-dedans que c'est pas tout à fait anodin. C'est-à-dire que quand ils ont conçu une loi comme ça, les juges, ils savent qu'ils ont un instrument, un dispositif dont ils peuvent se servir ou pas. Donc, s'ils se servent du dispositif, évidemment, c'est des bons juges. S'ils ne se servent pas de ces dispositifs, est-ce que c'est des bons juges ou pas? En fait, c'est là qu'on voit que l'État, en fait, il est omniprésent et c'est omnipuissant. Il décide de comment se défendre, de qui il faut attaquer, des juges aussi. Et ce qui passe dans un tribunal, c'est un peu, à mon avis, c'est un peu un reflet de la façon de fonctionner d'une société, hein. Si on ne peut pas se défendre dans un tribunal, alors là, la conception même d'un procès équitable et donc d'un État juste n'est plus là. Bah, rien à rajouter. Jean-Luc. Justement, on ne va pas revenir sur la loi saccage et dévastation, mais néanmoins, j'aimerais savoir si toi, et enfin, les gens qui ont manifesté en général, enfin, notamment les Italiens, savaient que cette loi existait ou voilà, est-ce que vous étiez en connaissance de cause? On dit toujours « nul ne peut ignorer la loi », mais est-ce qu'on peut aussi être condamné par une loi dont on ignorait totalement l'existence? Voilà un peu le sens de ma question. Non, on ne le savait pas. On ne savait pas. Ce que tu veux dire, c'est si on savait qu'il y avait une loi comme ça, on aurait manifesté. Je sais pas. Je sais que ben non, on n'était pas au courant. Après, je pense qu'il y avait des gens qui avaient étudié un peu le système pénal et tout ça. Peut-être qu'ils avaient une idée de ce qui pouvait être. Mais en tout cas, c'était une loi qu'on n'utilisait plus. C'était relié au temps de la dictature. Et donc, non. Si tu veux demander si on s'attendait à qui sortait cette loi-là, ben non, évidemment. Alors ça s'oppose absolument à ce qu'on nomme le principe de l'égalité, c'est-à-dire que véritablement c'est une base du droit pénal, mais pas seulement français, hein, international. C'est-à-dire que pour condamner quelqu'un au niveau pénal, c'est-à-dire de lui imposer une peine, il est absolument indispensable sur le plan juridique qu'ils connaissent auparavant qu'il commet un délit et qu'il s'expose à une peine de nature, d'ampleur criminelle. Or là, vraiment, ça défie totalement tout ce principe, puisque c'était quand même une loi qui n'avait pas été utilisée, ce qu'on appelle donc tombée en désuétude, inusitée, depuis 76 ans. C'est-à-dire que c'était une loi qui n'existait plus dans le droit pénal italien et que l'on a ressorti, pour l'occasion, ressorti des oubliettes. C'est complètement contraire à tous les principes et la base de ce qui fait notre droit pénal, parce qu'une personne qui commet un délit, elle doit savoir qu'elle commet et elle doit savoir à quoi elle s'expose. C'est vraiment la base. Ouais, je crois aussi que cette loi a été ressortie pour accompagner Gênes et que malgré tout, il y avait quand même quelques voix qui s'élevaient sur cette répression qui s'était abattue à Gênes. Et cette loi a permis aussi un peu de légitimer la répression qu'il y a eu à Gênes, en fait. Le côté juridique venait appuyer Gênes et dire, tenter de nous expliquer que cette répression avait tout son sens dans la mesure où il y avait eu saccage et pillage et dévastation. Et que du coup, c'est un arsenal qui est complet, quoi. Oui, ça marche en parallèle. Ouais, complètement. Et du coup, c'est bien aussi de mettre ça en parallèle sur quoi la justice dans cette histoire-là n'est pas tout à fait juste, égalitaire. Le fléau penche d'un côté bien précis sur les manifestants, alors que en parallèle, il y a eu le jugement des policiers qui, eux, ont tous été relaxés et que certains ont même été promus. Alors qu'il y avait les preuves parfaites, cette fois-ci, pour les juger d'exactions qui dépassaient largement le cadre de leur fonction. Effectivement, il y a eu cette répression policière, elle a donné lieu à des poursuites de policiers. Certains ont été condamnés, soit pour ces violences, soit pour fraude aux preuves, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes fabriqué les preuves. Tout cela a fait quand même l'objet de poursuites, parce que 300 000 manifestants qui viennent de toute l'Europe, évidemment, il y a eu des procès, et même au plus haut niveau, notamment au niveau international, où les actes de brutalité et les violences policières italiennes ont été qualifiées quand même d'actes de torture. C'était un mot que l'on n'avait plus entendu sous la plume et plus vu sous la plume des juges depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même très important. Donc Gênes a donné lieu à une qualification des violences policières d'actes de torture. Et effectivement, si ces policiers ont été condamnés, c'est ça que je veux dire, s'il y a eu des déclarations de culpabilité, les peines qui ont été prononcées contre ces policiers n'ont jamais été effectuées. Donc il y a vraiment deux poids et deux mesures, et on voit effectivement que tout cela correspond, je pense, effectivement, à une organisation pensée, réfléchie à l'avance de répression, une répression policière qui ensuite est relayée par une répression juridique, par la loi dévastation et pillage, qui vient habiller en quelque sorte ces condamnations comme si elles étaient légales, alors qu'on est à côté de la légalité. Oui, je vais faire une précision à ce qu'il dit Pascal. Peut-être que je vais faire hérisser les poils à quelqu'un du comité, là, mais il faut quand même le dire. Tu dis que c'est une loi qu'on sort, c'est une loi. On parle là de torture. Tu dis qu'on ne l'a pas sorti de la plume depuis la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Pour la précision, c'est pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, des mouvances des années 60 et 70 en Italie, eh ben, la torture, elle a bel et bien été utilisée. Mmh. Je ne parle pas des guerres mondiales, je parle des opposants. Après, on peut les appeler terroristes, on peut les appeler gens d'extrême gauche, etc., etc. Ils ont été torturés, il y a des documents qui prouvent ça, etc., etc. Donc, ce qui marque Gênes, c'est pas non plus... Ça ne sort pas du lot, c'est-à-dire qu'il y a une certaine façon de faire police, de faire répression en Italie qui est sûrement utilisée. Mmh. Sauf qu'à Gênes, la torture, elle a été utilisée, disons, de façon préventive. Tu vois, il n'y a rien qui est arrivé. Il y a une manif, attention, parce qu'on va les torturer. Mmh. Voilà, donc c'était juste pour mettre un peu les points sur les i. Voilà. Ouais, mais du coup, c'est intéressant parce qu'effectivement, la torture n'a pas existé uniquement à Gênes. C'est évident qu'il y a eu d'autres cas précédents. Mais comme tu le dis, ce qui est important, c'est l'inversion du processus, c'est-à-dire que c'est par anticipation qu'on le fait. Et donc, c'est vraiment une logique de terreur, pas sur des gens qui commettent des actes particuliers, mais c'est par anticipation. Et donc, c'est vraiment pour empêcher le droit de manifester, le droit de protester, d'avoir des idées contre le système, etc. C'est cela même, mais ça va au-delà. C'est-à-dire, là, on fait ces genres de choses aux terroristes ou aux manifestants. OK, peut-être qu'une certaine frange de la société, ils peuvent aussi dire oui, OK, pourquoi pas. L'effet qui est grave, c'est qu'il y a un État qui dit, nous, on peut faire ça. Du coup, il peut faire ça aujourd'hui, il peut faire ça sur des manifestants, sur des gens qui ont fait des trucs plus ou moins atroces. Mais c'est-à-dire qu'ils ont ça dans la poche. Je ne veux pas aller jusqu'à la torture des morts, mais à la peine de mort. C'est pas ça que je veux dire. Mais quand on sait qu'on peut condamner quelqu'un à mort, c'est pas qu'on va forcément mourir, mais on sait qu'il y a quelqu'un qui peut décider de faire ça. Et ça, c'est très grave. Alors sur des propos pareils, moi ça va être difficile de faire une transition musicale, mais on va faire quand même une toute petite pause, on perd pas le fil. Du coup ce sera Manu Chao et La Vida Tombola. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil fácil, amigo, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría Mondiovisión pa' gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Toda tuya, nene, suéltala, toma. Dale, toca bola. Ahí te va, síguela. Esa. Si yo fuera Maradona, viviría como es. Porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona y una mano en el altar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Donc on est de retour sur le plateau pour le comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Après avoir retracé en fait le pourquoi Vincenzo est toujours recherché et condamné, donc à la fois le contre G8 de Gênes et puis cette esbroufe de procès, c'est par le biais d'un mandat d'arrêt européen qu'il est explicitement demandé par l'Italie. Et de ce fait, on ne peut pas, au niveau de la France, revisiter le jugement, quand bien même il nous paraît complètement ubuesque et inégalitaire. En fait, la question que je voulais te poser, Vincent, tu vois, 20 ans, 21 ans après cette manif, après tout ce que vous scandiez, à ton avis, qu'est-ce qui reste dans la tête des gens? Qu'est-ce qui reste dans ta tête à toi? Bah, qui me reste des gens dans la tête. J'ai toujours cherché d'éviter que ces dossiers soient ramenés à moi pour deux raisons simples. La première, tu vois, que c'est la plus simple, disons que la plus évidente, que c'est pas moi qui a dévasté tout seul une ville entière. Et surtout, j'étais, et je ne suis pas tout seul à affirmer certaines choses. Voilà. On n'était pas forcément 200 000 à vouloir exprimer la même chose et de la même façon. Mais ce qui va retenir, si c'est vraiment ça le sens de la question, il va retenir, à mon avis, c'est que ce jour-là, ça s'est bien affirmé un concept. Il y a bien un nous et un eux. On a bien vu la frontière entre deux mondes, c'est-à-dire que d'un côté, il y avait pas seulement ce qui manifeste, mais tout simplement des gens qui voient les choses d'une certaine façon, et de l'autre côté de la frontière, dans ce cas-là, la frontière, c'était des gros cordons, des CRS, etc., je sais pas, on peut les appeler comme on veut. De l'autre côté, il y a aussi ceux qui peuvent torturer, donc voilà, ce qui me reste clair, c'est ça. C'est d'appartenir à nous et pas à eux. Et en deuxième aussi, la deuxième raison parce que je ne veux pas qu'ils soient toujours amenés sur moi, c'est parce que c'est aussi une façon tout bêtement de se défendre. C'est-à-dire que moi j'ai pour quelque chose et je ne veux pas qu'il soit une question qui concerne que moi, mais qui soit prise en collective. C'est-à-dire que ça peut toucher à tous. On peut tous y arriver, en fait. Voilà. Après, ce qui me reste des précis des gènes, c'est un peu vieux. Hein, je commence à avoir mon âge, donc les souvenirs s'estompent. Olivier, tu voulais rebondir tout à l'heure justement sur cette loi dévastation et pillage et le discours qui était porté là-bas, en fait, à Gênes. Oui, c'était juste pour dire que l'histoire peut être ironique aussi par moments, c'est que on porte à des manifestants le délit de saccage et dévastation, mais on peut se demander aussi qui saccage quoi, qui pille quoi et qui dévaste quoi sur cette planète, et qu'il y a quand même un système ultralibéral capitaliste qui est là en train de tout saccager et qu'eux ne se privent bien d'être jugés là-dessus. Oui, à partir de maintenant, en fait, Vincent, on va continuer à discuter. Puis toi, tu interviens oui. Quand tu veux. Hein, y a... Okay. D'accord, ça marche. Mm-hmm. Pascal, toi, tu as envie de revenir aussi sur le fondement du droit dans cette affaire-là ? Ben oui, parce que moi, je pense que dans cette affaire, l'utilisation du droit et des procès, et notamment de cette loi dévastation et pillage, est quand même ravageur. Et puis, ça nous interroge sur... combien ça peut devenir envahissant, néfaste, et la force que ça peut encore représenter, même actuellement, dans notre espace juridique européen. Parce qu'on assiste actuellement, depuis justement l'arrêt qui vient d'être rendu par la Cour de justice européenne dans le dossier de Vincenzo Vecchi, à l'entrée dans l'espace juridique européen de cette loi fasciste, par l'intermédiaire à l'occasion du mandat d'arrêt européen, mais c'est quand même une entrée, je dirais pas triomphale, mais c'est une entrée. C'est-à-dire que la France, là, serait obligée de se plier, hein, puisque normalement, le droit est comme ça, à partir du moment où la Cour de justice européenne a une interprétation d'un texte européen, elle s'impose à tous les États, à tous les 27 États. Alors là, elle serait obligée, finalement, d'appliquer la loi dévastation et pillage, et qui recouvre des notions qui sont contraires au droit français. Je m'explique, c'est très simple. Dévastation et pillage, ça repose sur le concours moral, c'est-à-dire sur la responsabilité collective, passive. Vous pouvez être un manifestant, autour de vous il y a des dégradations, vous êtes considéré par la justice, c'est ce qui s'est passé pour Vincenzo Vecchi très précisément, il est considéré comme étant coupable d'avoir commis des faits qui ont été commis en fait par d'autres, qui ont été faits par d'autres. Donc ce concours moral, cette complicité passive, hein, le simple fait d'être manifestant, vous fait qu'on vous déclare coupable, eh bien c'est totalement contraire à nos principes, parce que nous, en France et dans d'autres pays aussi démocratiques où il y a un droit pénal précis, on ne peut être déclaré coupable que sur ce qu'on a matériellement fait, c'est-à-dire quand on a fait quelque chose, quand on est complice, quand on est auteur, en ayant commis soi-même des actes. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a un montage évident dès le départ, hein, un scénario de criminalisation du manifestant. D'abord, le dossier, il part d'un montage de photos prises uniquement par la police. Il n'y a aucune autre preuve. Il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas d'indice matériel. Il n'y a que les photos mises bout à bout par la police. Et puis, quand on fait le lien, on dit c'est probable, c'est sûrement, bah voyez, on le voit comme ça, donc ça veut dire qu'il a fait ci. Non, c'est une série de suppositions qui arrivent devant le tribunal où on dessine finalement un récit pénal qui fait qu'on aboutit à une condamnation de 12 ans et demi. Et ça, c'est ce qui me paraît moi le plus extraordinaire dans cette affaire, c'est que ça passe, c'est que c'est en train de passer. On est en train de voir une injustice incroyable se dérouler sous nos yeux. C'est une condamnation à tout prix et au travers de 21 ans de procédures italiennes et françaises, à cause notamment, dernièrement, de cet arrêt rendu par la Cour de justice européenne, qui est un véritable rouleau compresseur. Parce que ça concerne Vincenzo Vecchi, mais ça concerne derrière 443 millions de citoyens européens. C'est-à-dire que demain, une femme polonaise qui aurait avorté ou qui aurait aidé à avorter, qui se réfugiait en France, eh bien la France est obligée de la livrer, alors que nous ne connaissons pas du tout le délit d'avortement. Mais selon ce qu'a dit la Cour de justice européenne, finalement les infractions peuvent être seulement voisines, pas tout à fait concordantes, similaires. Alors notre polonaise, finalement, en France, comme on a coups et blessures volontaires, comme on a atteinte à l'intégrité physique, ça le fera. Et donc, on serait obligé de la renvoyer en Pologne pour purger une peine d'un délit d'avortement que nous ne connaissons pas en France. C'est exactement le même cas pour Vincenzo Vecchi. Il est manifestant et on serait obligé de le livrer pour qu'il exécute 12 ans et demi de prison pour simplement avoir manifesté. Dans la même idée, parce que c'est vrai que, en effet, comme tu le disais tout à l'heure, Vincenzo, t'aimes pas non plus renvoyer à toi, parce qu'en fait, c'est une question collective qui est posée collectivement. Et de la même façon, nous, en tant que communauté, on n'est pas là juste pour soutenir le copain, c'est qu'on se sent tous touchés et qu'on souhaite alerter aussi sur le fait de cette privation de liberté qui est en train de se mettre en place. Et Jean-Luc, tu voulais notamment parler. Pour poursuivre par rapport à ce que disait Pascal. Moi, j'estime qu'on peut dire que c'est un véritable cheval de Troie qui rentre dans l'espace juridique européen. parce que si on parle du mandat d'arrêt européen, il est basé sur le fait qu'il doit exister une confiance mutuelle entre tous les États. Et on a eu la preuve que, notamment, l'Italie a menti dans la procédure. Donc, on peut se poser la question de où se trouve la confiance mutuelle. Mais quand il s'agit de mandat d'arrêt européen et qu'on arrête d'observer ce qu'on appelle la double incrimination, on se rend compte qu'effectivement, c'est un véritable danger pour les libertés, un danger pour le droit de manifester. Et de fait, si ça rentre dans l'espace juridique européen, si la Cour de cassation à Paris entérine l'avis de la Cour de justice de l'Union européenne, dès lors, ça rentre dans l'espace juridique français. Et ça, c'est absolument inadmissible. Le fondement du droit français, c'est la présomption d'innocence. Et le concours moral, c'est exactement l'inverse. C'est la présomption de culpabilité. On ne peut pas accepter que dans notre pays, le pays des droits de l'homme, ou dans n'importe quel pays de l'espace juridique de l'Europe, on admette un fait de cette nature. C'est absolument impossible de l'accepter. Donc c'est un danger de voir cette décision de la Cour de justice de l'Union européenne. Et alors moi, je vais porter pour une fois ma double naïveté. C'est-à-dire que moi, ce que je ne comprends pas, c'est que moi, j'ai bien appris mes cours d'histoire. L'Union européenne, comme le Conseil de l'Europe, se sont constitués après la Seconde Guerre mondiale dans la logique du plus jamais ça. Et donc le plus jamais ça en termes de totalitarisme, de nazisme, de fascisme. Et aujourd'hui, en fait, les sales garde-fous qui permettraient en fait de se dire, bah en fait, malheureusement, c'est en train de revenir. Et à l'intérieur, ce sont les seuls garde-fous qu'on a mis en place, notamment au niveau de la France, sur la double incrimination, de se dire, et si nos partenaires deviennent fascistes, et si nous-mêmes, on devient fascistes, comment on préserve les autres partenaires du territoire européen ? Mais tu as complètement raison, Gaëlle. C'est tout à fait ça. Et pourtant, effectivement, c'est ce qui est important de comprendre, c'est que le mandat d'arrêt européen en lui-même, c'est un outil juridique très bien, parce que sur les 27 pays, eh bien, ça permet de s'échanger ce que désigne un article de européen et puis aussi dans notre loi française, c'est-à-dire les principaux criminels, quoi, les terroristes, les trafiquants, enfin les personnes vraiment qui ont commis des actes les plus terribles, hein, les plus incriminés. Mais là, on n'était pas du tout dans ce registre. Et c'est tellement vrai que donc le cas de Vincenzo Vecchi ne rentrait pas dans cette liste des 32 infractions les plus graves dans laquelle le mandat d'arrêt européen s'applique automatiquement. Donc ça fonctionne très bien. Dans la majeure partie des cas, il n'y a aucune difficulté. Lui, c'était vraiment le cas, mais résiduel, exceptionnel, totalement marginal, de quelqu'un qui ne rentre pas dans cette liste, et où alors, pour la France, mais aussi pour d'autres pays européens qui se sont réservés ce garde-fou, il fallait absolument qu'il y ait dans notre droit ce qu'on appelle la double incrimination. Alors c'est un grand mot, mais ça veut dire tout simplement qu'il faut que dévastation et pillage aient son équivalent dans notre droit, ce qui n'était pas le cas. C'était tellement pas le cas, et c'est tellement pas le cas que c'était assez facile de dire, bon ben voilà, lui il se trouve exactement dans l'exception, donc on ne lui applique pas la possibilité d'être remis à l'Italie, puisque il n'y a pas d'équivalent d'infraction dans le droit français. Donc la solution, elle existait. Et on ne s'en est pas servi. C'est ça qui est que cette institution européenne de la Cour de justice européenne, on ne comprend pas pourquoi elle n'a pas tout simplement laissé la France utiliser son garde-fou, son pouvoir de contrôle qui lui garantissait sa souveraineté sur ces principes juridiques essentiels dont on discute actuellement, qui sont effectivement le principe de responsabilité personnelle du fait pénal et qui nous empêchait effectivement d'accepter qu'il soit condamné sur une responsabilité passive. Ouais, je voudrais rebondir aussi là-dessus, c'est que en supprimant cette double incrimination, le fait de pouvoir examiner en fait le dossier et la procédure et voir s'il y a une équivalence des peines dans les deux États. On nous vole déjà d'une chose, c'est de l'instruction du dossier. Donc ça devient plus qu'une procédure fonctionnaire et de notions juridiques, il n'y en a plus. Et puis on nous vole aussi nos droits à la défense. Donc il n'y a plus moyen de pouvoir lutter contre une erreur de justice, puisque l'automaticité s'applique. Et dans ce cas-là, et dans le cas présent qui nous occupe avec cette loi liberticide qui est saccage et dévastation, le système juridique français devient un système collaborationniste qui nous rappelle des temps anciens et des heures sombres. Vincent, tu veux réagir aussi ? Oui, je suis d'accord. Oui, on oublie qu'il y a souvent qu'il y a cette question de la défense, tu vois. Il faut se défendre, il faut se défendre en tribunal si on a des problèmes avec la justice, ok. Mais il faut aussi savoir se défendre au niveau social, c'est-à-dire on peut faire n'importe quelle loi, alors on n'aura plus droit à la retraite, on n'aura plus droit à l'avortement, comme tu dis, on n'aura plus droit à rien. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une loi qui permet ça. Voilà, c'est trop facile, je trouve. Et c'est pas facile c'est pas facile de la digérer, quoi. Et donc voilà, d'où l'intérêt à, je sais pas si ce qui cherche le comité, c'est aussi de chercher une espèce de réaction à niveau public, disons, à niveau large. Et je pense que surtout le monde des avocats là-dedans, je pense qu'ils trouveraient leur affaire à s'y mettre parce que le rôle là dans le procès il est en question. Un avocat, du coup, ça sert à quoi un défenseur si on peut pas se défendre? Oui, et comme tu dis, en fait, justement, depuis longtemps, en fait, nous, membres du comité, mais pas que de Rochefort-en-Terre, un peu partout en France, même dans d'autres pays, en fait, si les gens se mobilisent, c'est parce que, au-delà, comme tu dis, du symbole que t'as pas envie d'être, en fait, on sait très bien qu'on est sur du grignotage systématique de nos droits et qu'il est hors de question de lâcher encore une fois de plus ici. Et comme dit Olivier, depuis le 14 juillet, la décision de Cour de justice de l'Union européenne, on est devenu, malgré nous, des lanceurs d'alerte, en fait. Oui, je voulais dire aussi, c'est que ce qu'on a perdu au travers de ça dans l'espace européen, c'est une terre d'asile. C'est-à-dire que s'il y a un système politique qui se met en place, qui est extrêmement autoritaire, coercitif, etc., les personnes qui essayent de le fuir dans l'espace européen, avec cette décision du 14 juillet de la Cour européenne de justice, il n'est plus à l'abri. Et donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on veut alerter les gens. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de terre d'asile possible. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez grave. Donc en faisant le cheval de Troie dont parlait Jean-Luc tout à l'heure, c'est que ça introduit cette notion qui est envahissante, en fait, sur toute la population européenne, de pouvoir être jugé et pris avec des lois liberticides, voilà, et qui peut attaquer tous nos acquis historiques, qu'ils soient sociaux ou autres. Et puis avant de te repasser la parole, Pascal, comme tu disais, Vincenzo, alors là j'assume ma double naïveté, c'est-à-dire que moi je me dis, depuis le départ, moi j'y connaissais rien en droit. Double incrimination. Non, je sais bien, mais là c'est pas... c'est ça, j'ai rien compris. Mais je trouve que quand même le comité entre... Voilà, on était des faisous, d'accord, chacun venait de plein de milieux différents, mais notamment au niveau juridique, on était à peu près tous des quiches, on était en compétences, on a eu la chance d'avoir Pascal, dont c'était le métier qui nous a beaucoup aiguillé, mais beaucoup d'entre nous se sont documentés, on est monté en compétence. Aujourd'hui, on tient une émission de radio alors qu'il y a quelques années, aucun d'entre nous avait parlé dans un micro. Et à un moment donné, au niveau du droit, moi, ce que j'hallucine, c'est de dire, depuis le départ, on est dans les clous. On bosse comme des écoliers à dire, ok, alors c'est quoi ? On découvre, on paye, on trouve de l'argent alors qu'on n'en avait pas pour justement ton accès au droit, l'accès simple au droit, payer des avocats, etc. On monte en compétences, on décortique tout, on joue tout dans les règles, on apprend les règles du jeu. À chaque fois, il y a quand même deux cours de justice qui te donnent raison. Et ensuite, à nouveau, on monte jusqu'au joueur principal, qui est l'Union européenne par son outil, qui est la Cour de justice de l'Union européenne, et là qui nous dit, moi je suis une joueuse de société, c'est la première fois de ma vie où là on te dit en pleine partie, non mais les règles, on s'en fiche en fait. C'est nous qu'on joue, c'est nous qu'on veut gagner, et on n'en a rien à faire. Toutes vos règles sur lesquelles vous vous êtes appuyés, elles sont caduques, elles n'ont aucun sens. Et oui, parce qu'on n'est plus maître, en fait, on se rend compte après cette décision de la Cour de justice européenne, on n'est plus maître de nos règles, de nos normes. Donc ça, c'est ça qui est très grave. Non seulement on subit l'entrée dans notre droit de notions qui sont complètement contraires à tous nos principes, mais en plus, ça s'imposerait à nos juges sans qu'ils puissent réagir. Et ce qui fait que, concrètement, ça nous réduit vraiment comme peau de chagrin nos moyens de défense, hein, il faut quand même en être conscient devant la Cour de cassation, nos moyens de défense sont quand même beaucoup plus réduits à cause de cet arrêt, alors que normalement, effectivement, il n'y avait pas de double incrimination et que ça suffisait. Ouais, je voulais rebondir aussi par rapport dans le monde dans lequel on est, dans ce monde ultra-libéral, qui a mis en œuvre une très large dérégulation sur tous les systèmes économiques, sociaux, etc. Et je trouve que là, on est aussi dans une dérégulation juridique, où on est en train de faire du libre-échange, non pas des marchandises, mais des inculpés. Alors là, je m'adresse à la technique pour avoir la petite question. On fait une transition musicale ou on enchaîne jusqu'au bout? Ouais, donc c'est bien la pause musicale. Du coup, ce sera The Dead Thoughts, In A I'll Be In Good Company. Comme quoi, même avec l'Europe, on arrive aussi à se mettre en anglais. On est de retour à nouveau sur le plateau pour le comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Déjà, avant d'aller plus loin, je souhaite redonner à tout le monde le site internet du comité. Donc, c'est comité-soutien-vincenzo.org. Et pour ceux qui se posent la question, le tiret, c'est bien le tiret du milieu, c'est le petit 6. Si je vous redonne ça, c'est parce qu'en fait, sur cette émission, on n'est pas rentré dans les détails. Dans tout, on a effleuré un peu toute cette affaire, mais c'est parce que sur le site, vous retrouvez en fait toute la documentation qu'on a pu collecter sur Gênes, tous les témoignages qu'on a pu avoir, des documentaires qui retracent en fait comment s'est passé les procès, la réalité de cette manifestation. Et puis aussi, on a énormément de documentation justement sur la double incrimination, sur tout l'aspect en fait, on va dire, très juridique, avec des liens aussi sur des émissions de radio sur lesquelles on est rentré plus en détail là-dessus. Et pour ma petite transition pour cette clôture, enfin voilà, ce dernier moment ensemble sur l'émission, Vincent, toi, t'es encore en ligne, ça va encore te faire rire, mais oui. Ça fait longtemps que moi je dis, par chez nous, quand les bras nous en tombent, on se remonte les manches. C'est-à-dire qu'en fait, de toute cette histoire, de tout cet effarement, de cette mobilisation qui dure 3 ans. La dernière ligne droite, là, elle va jusqu'au 11 octobre parce qu'il y aura la Cour de cassation. Mais en fait, plus que jamais, il est nécessaire de faire du bruit autour de cette affaire. Et il y a plein de moyens d'agir, et notamment le site Les Recentres. Mais on va faire un petit tour là de toutes les actions qui sont un peu en cours dans le comité. Olivier, tu veux commencer ? Oui, moi je veux bien commencer par... Donc il y a un grand rassemblement de prévu le 24 septembre à Nantes. Donc, c'est sur le terrain d'eau, je crois que ça s'appelle comme ça, je ne connais pas très bien Nantes. C'est en face du château, pas très loin de la gare, donc les gens peuvent venir de plus loin. Et on invite vraiment un maximum de personnes pour nous soutenir et faire valoir nos droits, justement, et essayer de les défendre jusqu'au bout. Et donc, ça se passera en 2 temps. Il y aura, à partir de midi, il y aura un pique-nique festif. Et à 14h, il y aura des interventions d'hommes politiques, d'hommes et de femmes politiques et autres pour essayer de porter ça au niveau national. Et ça va être notre grand lancement pour essayer que notre lancement d'alerte soit repris et rejoint par au niveau national et international. Donc venez nombreux nous rejoindre. Et puis pareil, hein, covoiturage, parlez-en autour de vous, il y a vraiment moyen de se mobiliser très très nombreux. Voilà, nos petites voix, avec ce chat qui joue à la souris, on est plein de souris, on peut vraiment se faire entendre. Pascal, tu voulais nous parler, du coup, vu que c'est aussi plus ton domaine, tu as mis la main à la pâte sur une tribune juridique. Oui, donc cette tribune juridique qui a vocation à être le plus pédagogique possible pour expliquer les enjeux et puis les ressorts de cette affaire est en ligne. C'est une tribune juridique qui est soumise à la signature de tout un chacun. Pour justement toujours essayer de nous soutenir et de faire nombre autour de cette cause de Vincenzo Vecchi et de la défense des droits des citoyens européens. C'est aussi une tribune juridique qui appelle à tout positionnement utile, quel qu'on soit, un journaliste, un homme politique, une personnalité du monde des arts. Voilà, on engage tout le monde à signer, à s'engager à nos côtés. Et je crois que pour finir peut-être sur une touche plus positive, depuis 3 ans, Vincenzo Vecchi bénéficie d'une solidarité extraordinaire. On a, comme dit Gaëlle, monté en compétence chacun dans des domaines qui n'étaient pas forcément les nôtres. Il y a vraiment une entraide extraordinaire et ça, je trouve que c'est très réconfortant et j'espère au premier chef pour Vincenzo. Donc Jean-Luc, toi tu veux nous parler qu'on monte carrément à la capitale en fait apparemment. Alors donc il est prévu le 5 octobre à l'Assemblée nationale une conférence de presse organisée par qui réunira les députés et les sénateurs de toutes les tendances qui souhaitent accorder une importance au danger de la privation du droit de manifester, pardon, des libertés. Si nous réussissons à monopoliser les politiques, la société civile, les magistrats, les avocats et toutes les personnalités susceptibles de porter le débat au niveau national, alors nous espérons que que les juges de la Cour de cassation garderont leur indépendance? Est-ce qu'ils vont suivre l'avis de la Cour de justice qui souhaite que l'outil mandat d'arrêt soit un simple outil qui fonctionne au détriment des droits fondamentaux? Bien sûr, nous espérons que non. Plus que jamais, je trouve que ce procès est politique parce que, comme l'a dit Vincenzo tout à l'heure, il ne s'agit pas de son cas lui-même, mais pourquoi, on peut se poser la question, pourquoi, 20 ans après les faits, on s'acharne sur quelqu'un qui vit ici paisiblement en France depuis une dizaine d'années, qui n'a commis aucun crime et qui est sous la menace de 12 ans de prison? Pourquoi s'acharne-t-on sur lui alors qu'on l'a dit tout à l'heure, des policiers n'ont pas été condamnés, etc. etc. J'ai envie de dire, est-ce que ce monde est sérieux? Et Olivier, toi, tu nous redonnes aussi plein d'autres gestes, possibilités d'action. Oui, alors du coup, sur le site internet, il y a pas mal de choses qui sont publiées, notamment les actions publiques à venir. Donc, on vous incite à pouvoir y participer et venir grossir les rangs. Donc, vous pouvez aussi être tenu au courant par Facebook, Twitter et les réseaux sociaux. Il y a aussi le fait de pouvoir signer la pétition. Il y a le fait aussi de pouvoir récupérer des tracts, des affiches et donc de participer à la diffusion de l'information, cette fois-ci humaine et matérielle, et de pouvoir les télécharger depuis le site. On vous incite aussi à interpeller les maires, les sénateurs et députés de vos régions. Vous pouvez aussi créer des comités de soutien dans vos territoires. Vous pouvez relayer les infos et les actions qu'on mène dans les médias régionaux, nationaux, internationaux, soyons fous, et surtout sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à partager les tweets et les posts Facebook que nous publions. Et enfin, il y a le soutien financier que vous pouvez trouver aussi sur le site si vous voulez pouvoir participer au soutien financier, car c'est aussi une lutte qui demande des moyens et qui engage pas mal d'argent pour pouvoir continuer la lutte. Alors Pascal me redit qu'au niveau des réseaux sociaux, on est aussi sur Instagram. Mmh. Notamment, donc je redonne le site, hein, comité-soutien-vincenzo.org. Est-ce que Vincent, toi, tu veux reprendre la parole? Est-ce que on est quasiment en clôture d'émission? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose? Pas particulièrement, mais ça pourrait venir à styliser tout à l'heure, je ne me souviens plus qui, en rapport à l'expérience du comité. Et ben, je trouve que c'est une très, très belle expérience. C'est un bel exemple de comment on peut essayer de dire la loi dit ça, oui, mais je trouve que c'est une expérience de vie excellente et j'ai fait chapeau à tous les comités. Voilà. Eh ben, merci à tous les comités, merci à tous les soutiens. Donc, vous avez bien compris, on en parle à tout le monde, aux voisins, à la famille, aux grands-parents, à son collègue de boulot, à son boss, dans le train, dans le bus, on affiche, c'est non-stop. On est resté droit dans les rails, on est droit dans nos droits, droit dans nos bottes. À un moment donné, ça suffit. Là, il est temps que l'espérance regagne un peu du terrain. On est des optimistes fragiles, mais optimistes quand même, on a le droit de notre côté. On remercie Plume FM, la radio associative de Serran, déjà pour son soutien, parce qu'elle soutient la cause de Vincenzo depuis le début, et puis parce que là, on est carrément dans leurs locaux à enregistrer l'émission avec le soutien de Mathieu qui est resté avec nous à la technique avec Christelle, et comme ça on a pu tester l'insertion téléphonique. Donc on rappelle, la dernière ligne droite, c'est le 11 octobre, on reste plus que jamais mobilisés. Et le 24, venez tous à Nantes nous rejoindre. Il y aura un pique-nique festif. C'est ça, on commence dès le 24, mais dès aujourd'hui, vous allez tout de suite sur le site, vous regardez ce qu'il y a à faire. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci. Merci. Merci.